Maman, la grève bari moins. Maman, la grève bari moins. Maman, la grève bari moins. Monsieur Michel, par les bails de France. Maman, la grève bari moins. Maman, la grève bari moins. Maman, la grève bari moins. Monsieur Michel, par les bails de France. Oui, oui, oui, oui. Sorti la matin, pour moi t'es descendu en ville. Avant moi t'es pas grand pour mis la grève là, barré tu mets moins. Moi sorti la matin, pour moi t'es descendu en ville. Avant moi t'es pas grand pour mis la grève là, barré tu mets moins. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, yo brûlé quand bêtier, yo incendié habitation yo. Malgré tout ça yo fait y'a Monsieur Michel par les bails de front. Yo brûlé quand bêtier, yo incendié habitation yo. Malgré tout ça yo fait y'a Monsieur Michel par les bails de front. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Monsieur Michel par les bails de front. Fort bayo l'argent yo. Fort bayo l'argent yo. Fort bayo l'argent yo. Pour ça acheter manger pas ichio. Fort bayo l'argent yo. Fort bayo l'argent yo. Fort bayo l'argent yo. Pour ça acheter manger pas ichio. Oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Tout ça j'a assez duré, tout ça j'a assez duré, tout ça j'a assez duré, Monsieur Michel, bayo l'argent yo, tout ça j'a assez duré, tout ça j'a assez duré, tout ça j'a assez duré, Monsieur Michel, bayo l'argent yo. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Monsieur Michel, pas les bagues.